Chapitre 5. Le testament. La journée se passa dans des alternatives diverses. Par moments, une amélioration se produisait qui ensuite se trouvait détruite par une aggravation sensible du mal. Vers le soir, l'enflure, restée jusqu'alors stationnaire, fit de nouveaux progrès. De la cuisse, elle monta jusqu'à l'aine. Le docteur Cabarrox jugea alors que l'état du malade était désespéré. Et ainsi qu'il le lui avait promis, il lui annonça, non sans une profonde émotion, que sa fin était proche. Le duc avait la foi vive de la race bretonne, et en prévision d'un dénouement fatal, il avait envoyé chercher un des missionnaires établis à San Antonio. Aussitôt que la science eut prononcé son arrêt, le prêtre fut introduit dans la chambre du moribond. Tout le monde sortit, et le duc commença son dernier examen de conscience. Lorsqu'il eut achevé sa confession, le ministre de Dieu étendit la main sur lui et lui donna l'absolution. « Merci, mon père, » lui dit le vieux gentilhomme avec un sourire résigné. « Veuillez, je vous prie, faire prévenir mon fils Jean que je l'attends. » Le missionnaire s'inclina et sortit. Quelques instants après, Jean de Clodion entra. Il était très pâle et ses yeux rougis portaient les traces des larmes qu'ils avaient versées pendant toute cette journée de terribles angoisses. « Viens près de moi, mon cher Jean, » lui dit son père d'une voix affaiblie. Mais encore ferme. Nous avons à nous entretenir de choses graves. » Jean se plaça au chevet du lit, prit dans ses mains les mains déjà glacées du vieillard, et attendit dans un respectueux silence les paroles que son père allait prononcer. La nuit était arrivée. Le temps tournait à l'orage. De gros nuages noirs couraient dans le ciel. L'air était lourd et de larges gouttes de pluie commençaient à tomber. La pièce dans laquelle gisait le duc étendu sur son lit était au rez-de-chaussée. Une lampe éclairait cette pauvre chaumière, de laquelle se détachaient les silhouettes du père mourant et de son fils incliné devant lui. Devant les fenêtres entr'ouvertes, à une vingtaine de pas dans le jardin, se dressait un massif de mélèzes. Sous ce massif se tenait caché, immobile, l'oreille tendue, un homme que l'obscurité empêchait d'apercevoir. Il avait été l'auditeur invisible de la confession du duc de Clodion. Lorsque le moribond avait fait appeler son fils Jean, l'homme caché sous les mélèzes s'était rapproché afin de mieux entendre ce qui allait se dire. « Mon enfant bien-aimé, » murmura le duc, « mes instants sont comptés et je me suis réconcilié avec Dieu. Écoute attentivement les paroles que je vais prononcer. Parlez, mon père, je retiendrai toutes vos paroles, » répondit Jean. « Et quoi que je t'ordonne, tu m'obéiras, je vous obéirai. Dès que je ne serai plus, tu te rendras en France, où Fernand de Croix-Marie, ta fiancée, t'attend. Le marquis de Kerdal est le dépositaire de tous les titres qui représentent ma fortune. Cette fortune, par suite de la liquidation de tout ce que je possédais en ce pays, s'élève à 2 millions mis en dépôt à la banque en prévision de mon retour en France. Ces 2 millions seront ton héritage. Mais, mon frère José, interrompit Jean, ton frère naturel, reprit le duc de Clodion, en soulignant ce dernier mot, aura en partage cette hacienda et les terres qui en dépendent. Cette propriété peut produire 1 000 francs de revenus par an. Tu vois que j'ai songé à lui, malgré tous les chagrins qu'il m'a causés. » L'homme qui se tenait embusqué sous le massif de mélèze s'était dressé, comme mu par un ressort, lorsqu'il avait entendu prononcer le nom de José. « Mon père, » dit Jean, « ce partage de votre fortune est bien inégal, il me semble. Ce que j'ai décidé est conforme à l'équité, » interrompit le moribond. « José n'a droit qu'à sa part d'enfant naturel. » « Mais c'est votre sang qui coule dans ses veines. » Le duc se disposait à répondre quand tout à coup sa respiration devint plus embarrassée. On eût dit qu'elle allait lui échapper et son visage pâle se couvrit d'une rougeur violacée. Jean, épouvanté, crut que son père allait mourir. Il courut prendre le cordial préparé par le docteur Cabarrox qui avait prévu cette crise et il l'approcha contre les lèvres du vieillard. L'effet fut prompt. La congestion s'arrêta instantanément et la respiration devint plus facile. « Que Dieu, mon cher fils, » poursuivit lentement le moribond, « te préserve des liaisons coupables, car elles portent toujours avec elles leur châtiment. En me laissant aller autrefois à une folle passion pour la mère de José, je me suis condamné à bien des douleurs, à bien des remords. Jamais la nature, qui vous a donné les mêmes traits du visage, n'a créé deux cœurs plus dissemblables. Tu es bon, tu es loyal, tu es brave. José est dissimulé, haineux et lâche. » L'homme caché, qui n'était autre que le bâtard, frémit de rage en entendant ces paroles, et ses poings crispés se dirigèrent, comme une menace, vers l'endroit d'où elles étaient parties. « José, reprit le duc après un silence, de rester ici, car sa présence en France ne pourrait que porter atteinte à la considération du grand nom des Clodion. Prends la clé que voici, ouvre mon secrétaire, et tu y trouveras le testament qui contient mes volontés dernières. Pour toucher les 2 millions dont le marquis de Kerdal te remettra les titres, tu n'auras qu'à produire ce testament et les actes qui constituent ton identité. Ces diverses pièces sont enfermées dans la même enveloppe. Jean ouvrit le secrétaire, en sortit un grand plis scellé de 5 sachets aux armes des Clodion, et sur un ordre muet de son père, il le serra dans son portefeuille. Presque aussitôt, les symptômes de suffocation qui avaient disparu se renouvelèrent. Ce fut en vain que Jean recourut au Gordial. La respiration du moribond devint de nouveau embarrassée, en quelque sorte sifflante, et de nouveau aussi une teinte violacée s'étendit sur son visage. Son fils voulut appeler le docteur Cavarox. « C'est inutile !» murmura le duc. « La mort vient, rien ne saurait l'éloigner. Ouvre les portes, mon enfant, et fais entrer mes serviteurs. Je ne veux pas me séparer d'eux sans leur dire adieu. Fais appeler aussi José, afin que je lui donne, avec le pardon, ma bénédiction suprême. » Plus pâle que la mort, Jean de Clodion exécuta cet ordre. À peine les portes furent-elles ouvertes, qu'elles donnèrent passage à la foule des serviteurs de la maison. Au premier rang, se tenait Pedro Diaz. L'ancien trappeur, qui avait vu tant de fois la mort de près, ne pouvait se faire à la pensée que le duc allait mourir. Il était écrasé de douleur. Tous les vieux serviteurs de la sienne des héros s'agenouillèrent en sanglotant autour du chevet de son lit. « Je ne vois pas José, » dit le mourant en promenant un regard presque éteint sur cette foule éplorée. « Me voici, mon père, » répondit le bâtard qui venait de quitter le massif derrière lequel il s'était embusqué. Et il alla se placer à côté de Jean, auprès du duc. En ce moment reparut le docteur Cavarox. Quoique depuis la veille il se fût rencontré plusieurs fois avec les deux frères, il ne put s'empêcher de dire à voix basse à Pedro Diaz, en les voyant placés l'un à côté de l'autre. « Non, jamais ressemblance plus complète n'a dû exister. »« Elle ne va pas au-delà des traits du visage, » répondit le Texien sur le même ton. « Regardez-les bien tous les deux. » L'un ressent une douleur sans nom, l'autre n'a que les apparences de la douleur. « Oui, c'est vrai, » reprit le célèbre médecin avec étonnement. « Mais pourquoi ne portent-ils pas tous deux la même tendresse à leur père ?»« Chut, monseigneur va parler, » dit Pedro en mettant un doigt sur sa bouche. « José, » dit le duc dont la voix allait en s'affaiblissant de plus en plus, « avant de mourir, j'ai voulu assurer votre avenir. Vous hériterez de ce domaine, mes vieux serviteurs deviendront les vôtres, ils vous serviront fidèlement comme ils m'ont servi. Soyez bon pour eux comme je l'étais pour moi-même. « Je vous le promets, mon père, » répondit José en s'agenouillant. « Je vous pardonne vos fautes, » continua plus bas le mourant, « et en vous donnant ma bénédiction, je demande à Dieu de veiller sur vous. » Puis, se tournant vers ses serviteurs, toujours agenouillés, « Adieu, » fit-il en soulevant une main comme pour la leur tendre, « adieu, vous tous qui avez été mes amis, » et auquel je portais l'affection d'un père. Adieu, et si je peux être, sans le vouloir, injuste quelquefois envers vous, pardonnez-le-moi à l'heure de ma mort. » Ce furent des sanglots qui lui répondirent. « Approche, Pedro, » reprit le moribond en faisant un signe à son vieil ami. « Tu accompagneras mon fils Jean en France, et tu lui continueras l'affection que tu m'as portée. »« Duc de Clodion, je le jure, » répondit le brave Texien au milieu de ses larmes. Le vieux gentilhomme s'adressa ensuite à Cavarox, qui, malgré son insensibilité apparente, était profondément ému de ce qu'il voyait et entendait. « Docteur, votre main, si j'avais pu être sauvé, je l'eusse été par vous, merci. » L'orage, qui depuis longtemps menaçait, se déchaîna avec furie. Le ciel sillonné par les éclairs ressemblait à une immense fournaise. Les coups de tonnerre se succédaient sans interruption et la pluie tombait à torrents. « De l'air, de l'air, j'étouffe !» murmura le mourant en essayant de lever la tête pour respirer. Mais sa tête retomba. Le duc de Clodion était mort. Les sangles refoulés à grand-peine dans toutes les poitrines éclatèrent alors simultanément et se mêlèrent aux hurlements de la tempête. Jean, debout, immobile près du lit, avait pris une des mains glacées de son père et de grosses larmes coulaient de ses yeux. Quant à José, après avoir jeté un regard indifférent sur la couche où le duc gisait inanimé, il sortit sans prononcer un seul mot. Cavarox, voyant Don José s'éloigner, en témoigna son étonnement à Pedro Diaz. « Celui qui veille près du corps inanimé de son père, lui dit le Texien à mi-voix, c'est le vrai duc, le seul héritier du nom des Clodions. L'autre, celui qui fuit cette demeure au moment où la mort vient d'y entrer, c'est le fils d'une servante. C'est un misérable bâtard. Il reste fidèle à son origine. » Lorsque le docteur fut remis de la surprise causée par cette révélation inattendue, il se pencha à l'oreille de Pedro. « Connaissez-vous des ennemis au duc de Clodion ? » lui demanda-t-il. « Non, » dit le Texien. « Mais pourquoi cette question ?»« C'est parce que sa mort est le résultat d'un crime. »« D'un crime ?» fit Pedro Diaz, en bondissant comme si un fer rouge lui était entré dans les chairs. « Venez, et je vous expliquerai cela, » reprit le docteur en entraînant Pedro hors de la chambre mortuaire.